franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Margaret, je te bande les yeux, je t'attache les mains dans le dos et je vais te faire une grosse surprise en t'emmenant faire un tour sur la rocade de Tours. Chouette, divine surprise. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque figure-toi que le pape Jean-Paul II s'y est arrêté, alors non pas sur la rocade, mais à Tours. Tours, sa cathédrale, son centre historique et sa place du marché. Alors, c'est à Tours que nous partons. Eh oui, regarde. Eh oui, Philippe, pour y deviser avec Stéphane de Tours qui a un problème. Moi aussi j'ai un problème, Marga, je crois bien que je t'aime. Alors Stéphane de Tours, est-ce un problème d'esprit ou de corps? Bonjour docteur. Philippe. Bonjour Marga. Arrête. Bonjour, bonjour. Bon, mon problème est un problème lié aussi bien au corps qu'à l'esprit. Ah, eh ben on est dans le beau drap, comme disent nos ados. Voilà, je suis atteint de ce qu'on appelle le satyriasis. Aïe, c'est gênant ça, mon vieux, hein. Surtout au moment des rapports. Non, en fait, non, pendant ça va, non, c'est après que je me sens mal. Eh ben oui, ça irrite la muqueuse. Non, pas spécialement. Ben si, alors eh ben, cortisone. Alors vous êtes circoncis? Non. Eh bien, tant mieux, ce sera beaucoup plus simple. Vous introduisez l'embout du tube de cortisone dans votre prépu et vous y videz la moitié du tube. Hein, un peu comme si vous farcissiez une fleur de courgette, vous voyez. C'est une image. Inutile de nouer, par contre. Non, en fait, le satyriasis, c'est... Oui, c'est un psoriasis génital. Non. C'est une addiction au sexe. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Oui, mais vous n'aviez pas précisé, donc forcément. Ah, voilà. Alors, avec la même partenaire, votre femme, peut-être? Non. Elle n'en pouvait plus, elle est partie. De toute façon, j'arrêtais pas de la tromper. Dis donc, vous êtes ce qu'on appelle communément un chaud lapin, dites-moi. ou un Casanova, je préfère. Non, mais vous savez, quand on a été avec plus de 1000 partenaires, et qu'on ressent toujours une frustration... 1000 partenaires, mais dites-moi. Un sacré tableau de chasse. Non mais je le vis très mal, moi. Ça gâche ma vie affective. Oui, mais ça, on n'est jamais content de ce qu'on a, alors. Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Hein. Alors, je ne comprends pas bien, Stéphane. Vous êtes un don juan. Hein. Les femmes doivent vous trouver attrayant. Et vous, alors, ce que d'aucuns vous envient et que d'autres trouveraient plus à leur avantage que vous, eh bien, vous ne semblez-vous en tirer? Eh bien, non content de vous satisfaire de ce qu'en temps normal, n'importe quel quidam en tirait la gloire que vous semblez, vous, ne pas coûte vouloir. Coûte que coûte. Oui, je sais, on a l'impression que c'est très glorieux, non mais pas vraiment. Je suis dans une quête permanente et mon insatisfaction est très pénible à vivre. Stéphane, de quoi voulez-vous vous punir? Hein, vous êtes probablement admiré et envié de tous vos camarades. On va dire que c'est quand même une joyeuse maladie, non? Alors, vous êtes dans la frustration, certes, mais peut-être parce que vous refusez cette aptitude rare à plaire au sexe faible. Libérez-vous, profitez, augmentez le nombre de partenaires jusqu'à ce que la frustration disparaisse. Au pire, il y aura overdose. Écœurement, et vous vous arrêterez de vous-même. Voilà, monsieur l'homme à femme. Merci, non, c'est un peu frustrant, mais comme réponse, mais enfin, merci quand même. Oh, mais arrêtez d'être frustré, c'est incroyable, ça. C'est quand fou, même. Ça. Il y en a qui savent pas la chance qu'ils ont. Ah. Marga, demi-tour de tour pour aller à Luchon, où nous avons rendez-vous avec Josie. Bonjour, Josie. Bonjour. Philippe. Bonjour, Philippe. Docteur. Bonjour Josie. Josie de Josiane? Non, Josie de Luchon. Ouais. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème assez embarrassant, quoi. C'est intime. Oui, allez Josie. Eh bien, je suis... Bon, courage, petite Josie. Ouais. Je souffre d'une, d'une addiction au sexe. Vous êtes nymphomane. Oui, enfin, ça se dit plus. Vous savez, on n'est pas les champions de l'euphémisme ici. Et le politiquement correct n'a jamais rien réglé. Alors, appelons un chat, un chat. Enfin... Enfin, je pense qu'on a arrêté d'utiliser ce terme parce que c'était misogyne. Et c'est pas misogyne, peut-être, une femme qui se comporte comme un homme. Comment ça? Eh ben, une coureuse qui n'a pas besoin de sentiments pour s'offrir à n'importe quel homme. C'est fou ça, je m'attendais pas à être jugée par une psychothérapeute. Eh ben, pourtant, je suis psychothérapeute. Mais c'est comme toute addiction, c'est une maladie. Oui, alors il faut tout de suite arrêter cette addiction, madame. Et ça aussi, c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Vous n'avez jamais honte. C'est un problème compulsif que j'essaie de gérer le mieux possible et sans que ça foute ma vie en l'air. Pardonnez-moi, je ne comprends pas bien, Josie. Vous êtes atteinte de fureur utérine. Les hommes doivent vous trouver attrayante, soit, mais quelle image donnez-vous de vous-même à l'heure où la femme représente, encore Dieu merci, hein, la mère, l'épouse, la sœur le... Oui, je sais que ça paraît honteux, mais vous savez, je suis comme dans une quête permanente et mon insatisfaction, elle est très pénible à vivre. Josie. De quoi voulez-vous vous punir, hein ? Vous êtes probablement haïe et méprisée de toutes vos amies, s'il vous en reste. Alors je ne comprends pas pourquoi vous n'arrêtez pas, là. Stop, franchement. En plus, Josie, d'un point de vue alors, purement pécunier, vous êtes perdante sur toute la ligne, car on est bien d'accord, vous ne vous faites pas payer. Mais je ne suis pas une pute. Mais dis donc. Bah, enfin, oui, alors d'un coup, madame est prude. Hein, par contre, quand il s'agit de posséder de force un clochard inconnu, qui sous une porte cochère, qui dans les toilettes souillées d'un TER Paris Rambouillet, qui dans une cave de cité, les jambes ouvertes, devant une file interminable d'immigrés, pardon, de Français de l'étranger en route, qui dans le camion Ben... Coûte que coûte. De la... Eh oui, coûte que coûte, Josie. C'est ça qui est terrible. Petite citation ? Oui. Les femmes ressemblent aux maisons espagnoles qui ont beaucoup de portes et peu de fenêtres. Il est plus facile d'y pénétrer que d'y voir clair. C'est de Jean-Paul Richter. Mais c'est tellement vrai. Merci Yann Chouquet qui, lui, voit clair. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.